الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, nous continuons aujourd'hui, inshallah, tout ce qui concerne l'état du texte, ahwal an-nas, dans un contexte d'argumentation et de déduction. Nous sommes arrivés au 32e dars, c'est ça? 32e dars de cette série de leçons sur l'itqan de l'imam Suyuti. Bon, l'état du texte, hein, nous avons étudié le muhkam et le mutashabih, hein, le péremptoire et l'équivoque, l'abrogeant et l'abrogé. Nous avons parlé aussi un peu des apparences contradictoires du Coran. Et tout cela concerne bien sûr, hein, l'état du texte. Bon, nous allons passer aujourd'hui à ce qu'on appelle le mantouq et le mafhoum, c'est-à-dire le sens littéral du texte et le sens compris ou le sens sous-entendu du texte. Mantouq et mafhoum, c'est le 50e chapitre de l'Itqan, de l'Imam Suyuti. Alors, mantouq vient du verbe nataqa. Et nataqa, c'est quoi? Nataqa, c'est prononcer, c'est exprimer. Mantouq est à la voix passive. Le mantouq, c'est le sens qui est conforme à la lettre. Il est littéral. C'est le sens prononcé. On le comprend à partir des mots. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui n'en trouve pas qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours lorsqu'il retournera chez lui, hein, cela fait 10 jours. » فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٍ. Le jeûne de 10 jours lorsque la personne ne trouve pas d'offrande à sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala s'il est un pèlerin en état de mutamatti', c'est-à-dire qu'il va faire le hajj et le umrah. Donc ici le texte est clair, d'accord? Le hajj et le umrah séparés par une période d'ihlal, de désacralisation. Le texte, j'ai dit, est clair, catégorique. Le texte prononce le hukum. Même si parfois le terme comprend un sens possible, mais qui n'est pas prépondérant, on parle du mantouq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wala taqarabuhunna hatta yatahurn » Ne les approchez qu'une fois purifiés. Ça, c'est dans Sourate al-Baqara. Même le verset précédent, il se trouve dans Sourate al-Baqara. Ne les approchez qu'une fois purifiés. La purification ici est une purification rituelle, c'est-à-dire le lavage rituel, c'est-à-dire après qu'elle se soit purifiée par lavage rituel. C'est ce qu'on déduit du sens littéral du verset. Bien que le tohor, la purification, désigne un autre sens qui est l'arrêt de l'écoulement du sang, la cessation des menstrues ou des lochis. Mais c'est un sens qui est moins prépondérant. Donc en faisant prévaloir le sens prépondérant qui est le lavage au sens moins prépondérant qui est l'arrêt du sang, on fait certes le ta'wil, l'interprétation, on a recouru à l'interprétation, mais on l'a déduit du mantouq. On l'a déduit du sens littéral et non pas d'une autre façon. D'accord? Ça concernant le mantouq. Le mafhoum, c'est le contraire. Le mafhoum, c'est l'énoncé du hukm ou le hukm tiré du texte, non pas de son sens littéral, mais d'une autre façon, sous-entendu. Le texte ne te fournit pas la disposition légale, comme il ne te fournit pas directement par son sens littéral, mais te le fait comprendre d'une manière indirecte, grâce au contexte. Les ulama ont divisé ce type, le mafhoum, le sens implicite, si vous voulez, ils l'ont divisé en deux types. Il y a le mafhoum, le muafaqa, le sens implicite par analogie, et celui-ci se présente à son tour sous deux aspects. Le premier et le suivant. Le premier, c'est le sens implicite par analogie a fortiori, ou par concordance prioritaire, mafhoum awlawi. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des parents, à propos de l'enfant, il dit « Wala taqul lahuma uffin » Ne leur dis pas ouf. Ne dis pas à tes parents ouf. Dans Sourate Isra. Wala taqul lahuma uffin wala tanharuma. Bon, d'après le sens littéral, mantouq, il est interdit de dire à ses parents ouf, N'est-ce pas? Ouf. Alors, il est interdit de dire à ses parents ouf. C'est le mot le moins dur que puisse dire un enfant à ses parents en signe de lassitude, de contestation, hein. Alors, qu'en est-il des coups? Quelqu'un qui frappe ses parents va se justifier devant ce verset en disant, oh, ah, moi, je ne leur dis pas ouf, je les ai juste frappés. Non, non, non, le hukm s'applique sur lui, le concerne. Il est concerné par l'interdiction dans ce verset-là. D'accord? S'il est interdit de dire à ses parents ouf, à plus forte raison, il est interdit de les frapper. D'où on a déduit ce hukm? D'où on a déduit cette disposition légale? Ben, du sens littéral, du sens, pardon. Non, enfin, on l'a pas déduit du sens littéral, mais d'un sens sous-entendu, qui concorde avec le texte par voie de plus forte raison. Il concorde avec le texte parfois, par voie de plus forte raison, c'est-à-dire par voie de a fortiori, l'aulawiya. D'accord? L'interdiction de ce dont la gravité est moindre, ce qui est ouf dans ce verset, implique nécessairement l'interdiction de ce dont la gravité est grande, à savoir les coups dans notre cas. On appelle ce qiyas, on appelle ce mafhoum fahwal khitab, on l'appelle aussi fahwal khitab. On le tire du texte, par voie d'a fortiori ou par voie de plus forte raison. Comme quand Allah il dit wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ne vous approchez pas de l'adultère. Donc, ne vous approchez pas de l'adultère, c'est dans sourate Isra, sourate 17. Ne vous approchez pas de l'adultère, à plus forte raison, il ne faut pas commettre l'adultère. Hein? D'accord? Donc, ça, c'est le premier type, c'est le sens implicite, par concordance prioritaire, par analogie a fortiori. D'accord? On distingue le deuxième type, le sens implicite par analogie s'appliquant sur un cas similaire. Là, c'est mafhoum musawi, c'est-à-dire le sens tiré, le sens explicite et le sens implicite sont sur le même pied d'égalité quant à leur rigueur, leur force. Hein. C'est pas comme le premier type ou par priorité. D'accord? Je donne un exemple. L'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ça, c'est dans Sourate Nisa, il concerne les orphelins. Il dit, ne consommez pas leurs biens en les mêlant aux vôtres. C'est là un crime grave. Donc le mantouq de ce verset est clair. Le sens littéral est clair. Il est interdit de consommer les biens de l'orphelin. Car c'est. Voilà. C'est un crime grave. Donc le mantouq est clair. Ben, quelqu'un va dire, moi, bon, écoutez, je ne vais pas le consommer les biens de l'orphelin, mais bon, ni lui ni moi ne profiterons de cet argent. Je vais les brûler. Brûler les biens de l'orphelin. Ben, lui diront, non, tu es concerné par ce hukm, tu es concerné par ce verset et tu encours le châtiment dont il est menacé celui qui mange les biens de l'orphelin. D'accord? Brûler les biens de l'orphelin. Ou consommer les biens de l'orphelin, c'est la même chose. La illa, la motivation qu'ils ont en commun, c'est quoi? C'est d'ailleurs, c'est la perte de ces biens. Il est formellement interdit de faire perdre les biens de l'orphelin. Alors, le deuxième type, mafhoum al-mukhalafa. Bon, nous avons parlé, nous avons dit, mafhoum, il est de deux types, hein. Il est le mafhoum tout court, le sens implicite, il est de deux types. Il est mafhoum muwafaqa, il se divise en mafhoum muwafaqa et en mafhoum mukhalafa. C'est bon? Mafhoum muwafaqa et mafhoum mukhalafa. Le sens implicite par analogie et le sens implicite par différence. D'accord? Le sens mafhoum le sens implicite par analogie, par accord. Ça, nous avons dit qu'il se divise en deux. Il se présente sous deux aspects, si vous voulez. Le sens implicite par analogie a fortiori, aulawi, mafhoum aulawi, et le deuxième aspect, c'est le sens implicite par analogie qui s'applique sur un cas similaire, c'est mafhoum moussaoui. D'accord? Ça, c'est le mafhoum. Mafhoum al-muwafaqa. Tout cela, c'est mafhoum muwafaqa, par concordance. À l'opposé de mafhoum al-muwafaqa, il y a mafhoum al-mukhalafa. Ça, c'est le deuxième type, le deuxième grand type. Mafhoum al-mukhalafa, c'est le sens implicite par différence. Le sens implicite par différence. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui croyez, si un pervers, un fasiq, vous apporte une information, une nouvelle, vérifiez-en la teneur. Ça, c'est dans Surat al-Hujurat. Le sens littéral de ce verset, bon, mantouq, si un pervers livre une information, il faut vérifier, il faut la tirer au clair. D'accord? C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les ulama appellent mafhoum sifa. Ça, c'est mafhoum sifa. D'accord? Si le sens littéral, comme j'ai dit, le sens mentor, c'est un pervers, livre une information, il faut la tirer, la vérifier, la tirer au clair. D'après le sens implicite par différence, si un homme intègre, un homme qui n'est pas pervers, un homme qui n'est pas pervers nous apporte une nouvelle, nous ne sommes pas tenus d'en vérifier la teneur. C'est bon ? Nous ne sommes pas tenus d'en vérifier la teneur parce que l'homme, il n'est pas pervers. C'est un homme intègre. Et cette forme de diction s'appelle mafhoum sifa. C'est le sens déduit du contraire de l'attribut. C'est le sens déduit du contraire de l'attribut. Hein? Qu'est-ce qui a rendu obligatoire la vérification de l'information ? C'est la qualité de l'homme. À savoir ici dans ce verset, al-fusouq, la perversité. Hein? Ça c'est un manhaj dans la riwaya, le hadith et tout. D'accord ? Donc, mafhoum sifa. Donc, le sens déduit du contraire de l'attribut. L'attribut que nous avons dans ce verset-là, c'est la perversité. Le contraire de la perversité, c'est l'honorabilité. Donc, une personne honorable qui nous apporte une information, cette information est recevable. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset : Wa kulu wa shrabu. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube. Le fil noir, le fil blanc, bon, qui est à l'horizon, c'est le commencement du jour. Alors ça c'est concernant bien sûr le jeûne. C'est un verset de la sourate al-Baqarah. Alors je déduis du mantouq du verset, de ce verset-là, du sens bien sûr littéral, que le jeûneur peut manger et boire la nuit jusqu'à l'apparition de l'aube. D'accord ? D'après le sens implicite par différence, après l'aube, il est interdit de boire et de manger pour le jeûneur. D'accord ? C'est l'adverbe jusqu'à, hatta yatabayyan, l'adverbe jusqu'à, qui exprime l'idée de limite temporelle ici, qui a déterminé l'interdiction de manger. C'est ce qu'on appelle mafhoum al-raya. Mafhoum al-raya. Le sens implicite par différence tiré de la limite. D'accord ? Un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul : Si elles sont enceintes, pourvoyez à leur entretien jusqu'à l'accouchement. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yada'na hamlahun. Ça, c'est dans Surat al-Talaq. D'après le sens littéral, il faut, sens mantouq, il faut assurer les dépenses d'entretien de la femme enceinte qui a été répudiée. Parce que bon, ces versets-là parlent de la répudiation. Hein? D'accord ? Il faut assurer les dépenses d'entretien de la femme enceinte qui a été répudiée jusqu'à ce qu'elle accouche. D'accord ? Donc d'après, ça c'est le mantouq, c'est clair. D'après maintenant le sens implicite par différence, la femme répudiée qui n'est pas enceinte, c'est bon, la femme répudiée qui n'est pas enceinte n'a pas droit aux dépenses d'entretien. C'est ce que j'ai compris, attention, je parle d'une étape, faut me suivre. C'est ce que j'ai compris de ce texte en employant ce raisonnement, mafhoum al-mukhalafa. Les savants appellent ce mafhoum-là mafhoum al-shart, hein? Le mafhoum de la condition. D'accord ? Parce que la phrase est conditionnelle. Wa in kunna ulati hamlin, si elles sont enceintes. On appelle ça مفهوم الشرط، المفهوم de la condition. Ça, c'est le mafhoum. C'est ce que j'ai déduit de ce verset. Que les femmes qui ne sont pas enceintes n'ont pas droit aux dépenses d'entretien. Ce sens implicite que j'ai déduit, ce sens-là que j'ai déduit, qui est mafhoum, implicite, il est restreint par d'autres arguments du Coran. J'accepte de ce sens-là. J'accepte de ce sens-là la femme répudiée. Non enceinte, bien sûr, la femme répudiée qui n'est pas enceinte, sur laquelle son mari peut exercer le droit de reprise, c'est-à-dire la femme répudiée dont le mari peut reprendre, c'est-à-dire celle qui a été divorcée une fois ou deux fois. C'est ce qu'on appelle mutallaqa raj'iyya, d'accord? Celle qui a été répudiée une première fois ou une deuxième fois a droit, durant sa retraite de continence, trois périodes menstruelles, aux dépenses d'entretien et au logement. D'accord? Donc j'ai accepté du sens implicite que j'ai déduit du verset de Sourate Talaq que la femme, j'ai accepté de ce sens implicite la femme qui a été répudiée une fois ou deuxième ou deux fois, c'est-à-dire la femme sur laquelle le mari a le droit d'exercer le pouvoir de reprise, c'est-à-dire de la reprendre. D'accord? Je l'ai accepté. Quel est le dalil? Quelle est la preuve? La preuve, c'est la parole d'Allah. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Leurs maris ont le droit de les reprendre pendant ce délai s'ils désirent la réforme. Surat al-Baqarah. Donc, leurs maris ont le droit de les reprendre. Allah a dit wa bu'ulatuhun. Il a affirmé qu'ils sont encore leurs maris durant le idda, durant ce délai, durant cette période. La femme reste mariée et a droit aux dépenses d'entretien et au logement. D'accord? La femme qui a été divorcée une première fois, son mari lui dit tu es divorcée, ou une deuxième fois lui dit tu es divorcée, cette femme reste mariée. Hein? D'accord? Durant la période de continence, durant cette période d'attente qui est de trois périodes menstruelles. Elle reste mariée. C'est-à-dire, il est dans sa idda. D'accord? Il reste marié. Et dans ce cas, elle a droit aux dépenses d'entretien et au logement. Ce n'est pas comme font certains ignorants. Et il dit à sa femme, tu es divorcé, même si la première fois ou deuxième fois, il dit, tu es divorcé, rentre chez toi. Non, elle ne doit aller nulle part. Elle reste durant trois menstrues. Elle reste à la maison, elle demeure mariée et son mari et doit aller et son mari, c'est-à-dire reste son mari, c'est-à-dire que si son mari meurt durant la idda, elle hérite, attention. Et si elle meurt durant la idda, durant la période de continence, son mari l'hérite. Donc il reste la femme. Elle reste sa femme, d'accord? Donc c'est très important de comprendre cela, hein? Donc, il faut accepter du sens implicite le cas de la femme qui a été répudiée une fois ou deux fois. Il reste la femme qui est divorcée à titre irrévocable. C'est ce qu'on appelle mutallaq al-ba'in. Hein? C'est-à-dire celle qui a été divorcée trois fois, la troisième fois. Celle-là, pas de retraite de continence, pas de idda, pas de dépenses, pas de idda pour le mariage. Attention, pas de idda. De divorce, pas la idda que la femme répudiée observe naturellement. Sinon, il y a une autre, c'est ce qu'on appelle istibra, c'est ce qu'on appelle la viduité, c'est le délai de viduité, qui est de un mois, pour être licite à un autre homme. Ça, n'en parlons pas, je parle de la idda al-mutallaqa. Hein? Elle n'observe pas cette idda de trois mois, qui concerne la femme répudiée parce que elle est divorcée à titre irrévocable pour la troisième fois ou en cas du khula quand le juge sépare les deux parties. Hein. Mais sur celle-là qui reste, la femme qui est divorcée à titre irrévocable n'a pas le droit aux dépenses d'entretien et n'a pas le droit au logement. D'accord? Je ne parle pas, bien sûr, de la pension alimentaire des enfants, hein, de ses enfants. Et aussi, si elle allait, il a le droit aux dépenses d'entretien. C'est un long sujet, ça. Mais là, je parle du raisonnement que j'ai utilisé. Comment j'ai pu accepter du mafhoum al-mukhalafa un autre, une restriction et tout. Parce que je suis dans l'exemple du mafhoum al-mukhalafa, du sens implicite par différence. D'accord? Cette règle-là, ce raisonnement-là, il y a des exceptions. C'est-à-dire, il y a des exceptions à l'application du sens implicite par différence. Quand le texte scripturaire, hein, le verset du Coran, puisque nous parlons du verset du Coran, hein, de Ulum al-Qur'an, en fin de compte, parlons de Ulum al-Qur'an, quand le texte décrit une situation courante, il n'a pas de sens implicite par différence. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous sont déclarés illicites pour le mariage vos mères, vos filles, vos sœurs, jusqu'à ce qu'il a dit, وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, vos belles-filles se trouvant dans votre giron. Les belles-filles sont illicites au mariage, d'accord? Vous sont illicites au mariage. Vos belles-filles se trouvant dans votre giron. Ce passage implique-t-il que la belle-fille qui n'habite pas chez vous, qui n'est pas dans votre giron, hein, sans figurer, quoi, qui n'est pas dans votre giron, qui n'habite pas sous ton toit, sous votre toit, votre belle-fille qui n'habite pas chez vous, ce passage, est-ce qu'il implique qu'elle est licite, au mariage, ou qu'elle n'est pas un mahram pour vous? Ben, la réponse est non. Ce verset n'a pas de sens implicite par différence. Il n'a pas de sens implicite par différence. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il décrit, il parle d'une situation courante. Dans la plupart des cas, quand on épouse une femme qui a des enfants, ben elle ramène ses enfants avec elle. Hein? Ils vivent sous le toit, hein, du mari, de leur mère. C'est ce qu'on appelle jarra majra al-ghalib. Donc ce verset-là n'a pas de sens implicite a fortiori, n'a pas de sens implicite par différence. D'accord? C'est-à-dire que même la belle-fille qui n'habite pas chez toi, ta belle-fille qui n'habite pas chez toi, elle est illicite au mariage, elle est ton mahram. Un autre cas, si le verset veut mettre l'accent sur le caractère abominable d'un acte. Quand le verset veut mettre l'accent sur le caractère abominable d'un acte, il n'a pas de sens implicite par différence. Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wala tukrihu fatayatikum 'ala al-bira'i in aradna tahassunan litabtaghu 'arad al-hayati ad-dunya." Ne contraignez pas vos jeunes esclaves par esprit du lucre à se prostituer si elles veulent être chastes. Ce verset n'implique pas que si la jeune fille veut se prostituer, on la laisse faire. Ce verset décrit tout simplement le caractère abominable d'une situation. Il n'a pas de mafhoum, il n'a pas de sens implicite par différence. C'est bon, parce qu'il met l'accent sur caractère abominable, il fait tashni'a, ce qu'on appelle tashni'a. D'accord? Un autre cas où on n'a pas le droit de tirer le sens implicite par différence, c'est le cas de l'exagération. L'exagération, il empêche le mafhoum. Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, si tu implores le pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Sourate Tawba. Cela n'implique pas que si le prophète implore pour eux le pardon plus que 70 fois, Allah va leur pardonner. Non, le nombre n'est pas visé en soi. D'accord? Bon, ça concernant brièvement le mafhoum et le mantoq. D'accord? Alors, le général et le particulier. Ou le général et le restreint. Un verset ayant une portée générale et les versets ayant une portée particulière ou restreinte. Ça, c'est Naw al-Khamis wa Rabaun fi Ami wa Khase. Hein, Suyuti, le site lui consacre le 45e chapitre de son Itqan. Le général, c'est celui qui embrasse tous ces individus. Hein, il y a des particules et des adverbes qui introduisent la généralité, comme kull, kullu, tout, kullu man alayha fan. Tout ce qui se trouve sur terre est condamné à disparaître, à s'éteindre. Ça, c'est un verset, hein, général, hein. Kullu man 'alayha, enfin, sourate Ar-Rahman. Le démonstratif, les démonstratifs, alladhi, allati, walladhina amanu wa 'amilus salihati, ulaika ashabul janna, hum fiha khalidun. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les œuvres salutaires, ceux-là sont les gens du paradis. Donc ça c'est général pour ceux qui ont cru. Donc ça, le démonstratif, il désigne, il introduit la généralité. Et les phrases introduites par les particules men et ma, hein, sont aussi des phrases générales. Le pluriel, il introduit la généralité. Yusikum Allahu fi awladikum. Allah vous recommande ceci en ce qui concerne la partition de l'héritage. Vous recommande ceci en ce qui concerne la partition de l'héritage, hein, concernant vos enfants. Donc, pluriel, yusikum, vous recommande. C'est général. Et les enfants, c'est général, tous les enfants. L'article L, Allah, l'article L, c'est, il introduit la généralité. Quand Allah, il dit, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah a rendu licite la vente, al-bay'a, donc toute vente. D'accord? Toute vente de manière générale. Ou quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit Innal insana lafi khusr, wal asr, innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. L'insan, tout homme, de manière générale. Cette généralité, elle est introduite par quoi? Par l'article al. Hein? L'article défini, al. D'accord? L'imam Suyuti, il a dit qu'on distingue trois sortes de portée générale. Trois sortes de portée générale. Il y a ce qu'on appelle al-baqi ala umumih. Al-baqi ala umumih. C'est-à-dire le général qui garde sa portée générale. Ça, c'est très rare. Il n'y a pas de texte général sans qu'un autre texte en restreigne la portée. On peut citer comme exemple Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum, ô vous qui croyez. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur, comme dans Sourate Nisa, comme dans Sourate Al-Baqarah aussi. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Et malgré cela, ce texte peut être restreint. Il peut être restreint par le cas de la personne non assujettie. Hein. Le fou, l'enfant, il n'est pas concerné par ce texte-là. Hein. L'imam Suyuti, il a dit qu'après avoir médité les versets du Coran, il a dit, j'en ai pu tirer un verset qui n'a pas été restreint. C'est-à-dire qu'il a gardé sa généralité. Le verset est suivant, vous sont déclarés illicites pour le mariage, vos mères, vos filles, vos sœurs, etc. C'est le verset qui se trouve dans Sourate Nisa. Il a dit que ce texte, il est général et il garde sa généralité. Alors, ça c'est la première sorte de portée. Alors la deuxième sorte, c'est le texte ayant une portée générale, mais qui désigne un cas particulier ou des individus en particulier. Al-aam wal-murad bihi al-khusus. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux auxquels les gens avaient dit, ça c'est un démonstratif qui désigne les croyants. Ça c'est dans Sourate Al-Imran. Ceux auxquels les gens avaient dit, les gens ont rassemblé leurs forces contre vous, craignez-les donc. Ceux auxquels les gens avaient dit. Il parle des croyants, des combattants dans la bataille de Uhud. Et certains gens veulent les dissuader de combattre. Ils leur ont dit, les gens ont rassemblé, ça, les gens ici désignent les mécréants. Les gens ont rassemblé leurs forces contre vous, craignez-les donc. Ce verset, il dit que des gens avaient dit aux combattants ceci, mais normalement, il ne s'agit pas de gens, mais il s'agit qu'un individu en particulier. C'est Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i, ou un bédouin de la tribu de Khouza'a. Donc, c'est un individu qui a essayé de dissuader les compagnons du professeur de combattre dans la bataille de combattre Quraysh avec à leur tête Abu Sufyan. Hein. Ça, c'est du général dans le sens du particulier. C'est-à-dire les gens, alladhina qala lahumun nas, nas ne désigne pas les gens de manière générale, mais il désigne un individu en particulier. Ça, c'est un exemple du texte à une portée générale, mais qui désigne un cas particulier ou des individus particuliers. Il y a le général qui est restreint, et c'est courant dans le Coran. Hein? Exemples sont nombreux, car en général, un texte ayant une portée générale, hein, il est restreint par un autre. Ça, c'est le cas courant dans le Coran. Exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Les femmes répudiées observent un délai d'attente de 3 mois. Les femmes répudiées, hein, observent un délai d'attente de 3 mois. Ce texte, il est général. Ben, il est restreint par la parole d'Allah. Si vous épousez des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer de délai d'attente. Donc, les femmes qu'on a répudiées avant d'avoir consommé le mariage, elles sont exemptes de retraite de continence. Donc, ce verset-là qui se trouve dans Sourate Al-Ahzab, il restreint la portée de l'autre verset qui se trouve dans Sourate Al-Baqarah. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi-anfusihinna thalathata quru'a. D'accord? Bon, brièvement, le chapitre suivant, النوع التاسع والأربعون في مطلقه ومقيده. Chapitre, 49e chapitre, disposition légale ou énoncée, présentée sans conditions limitatives, mutlaq, et celles qui sont formulées avec des conditions limitatives, muqayyad. Donc, sans conditions limitatives, mutlaq, itlaq veut dire libéré. C'est-à-dire de manière absolue. Et muqayyad veut dire enchaîné, ligoté, avec des conditions limitatives. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans un verset, wa ashhidu dhawi 'adlin minkum. Prenez à témoin deux hommes honorables choisis parmi vous. Ça, c'est dans Surat Talaq, dans le cas de répudiation, le choix de deux témoins honorables. Wa ashhidu dhawi 'adlin minkum. Prenez à témoin deux hommes honorables choisis parmi vous. Là, l'énoncé est présenté avec une condition limitative, avec un qaïd. C'est quoi ce qaïd-là? C'est l'honorabilité, l'adala, pour les témoins. Il exige comme condition, hein, l'honorabilité, l'intégrité. Dans un autre verset, Allah il dit Wa ashhidu idha tabayatum. Prenez des témoins lorsque vous faites des transactions. Ça, c'est dans Surat al-Baqarah. Prenez des témoins lorsque vous faites des transactions. Des témoins. Allah dit des témoins sans préciser est-ce que c'est des témoins honnêtes ou non. Ça, c'est ce qu'on appelle mutlaq, c'est-à-dire sans condition limitative. Hein? Sans condition limitative. Bon, je vais passer ce chapitre, je vais entrer dans un autre chapitre. C'est le global et le détaillé. Noa sadis wal arba'un fi mujmalihi wa mubayyanihi. 46e chapitre. Hein? Versets recouvrant plusieurs notions implicites, mujmal, et versets explicites, détaillés, expliqués. Donc il y a le mujmal et le mubayyan, qui est global et le détaillé. Exemple de ces termes-là ou de ces versets-là, je vais choisir le terme. Wal-layl idha as'as. Allah subhanahu wa ta'ala dit la nuit lorsque as'as. Le verbe as'as. Le verbe as'as, il signifie le départ de la nuit. Et il signifie l'arrivée de la nuit. Donc c'est un terme qui regroupe les deux, le contraire. Il signifie le départ de la nuit, il signifie l'arrivée de la nuit. D'accord ? Donc c'est un terme mujmal. D'accord ? Équivoque. Le qara, par exemple, thalathata qura'a. Le qara signifie les monstrues, et il signifie la cessation des monstrues. D'accord ? Et parfois, ce qui paraît équivoque, moins clair dans un passage, peut être éclairci par un autre passage. D'accord ? Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, la répudiation ne peut être prononcée que deux fois. At-talaq marratan. Dans Sourate Al-Baqara, la répudiation ne peut être prononcée que deux fois. Ou la répudiation est deux fois. Comment deux fois? Il n'y a que deux répudiations seulement? Répudiation seulement? Non, c'est le verset qui explique, pardon, le verset qui suit, qui dissipe cette confusion. Quel est ce verset-là? فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Hein? S'il la répudie, il n'est plus licite pour lui par la suite tant qu'elle ne se sera pas remariée à un autre que lui. D'accord? Donc quand je lis ce verset-là, je comprends que s'il y a une troisième répudiation, là c'est fini. La femme ne revient pas à son mari. Elle ne revient que si elle se remarie ou se marie avec un autre homme et se sépare de lui. Et donc le verset précédent indique le nombre de répudiations qui permet encore à un homme de reprendre son épouse. Donc quand j'entends At-talaq marratan, la répudiation est deux fois, je comprends que deux fois, c'est-à-dire le deux fois qui rend encore la femme licite à son mari. La troisième fois, ça y est, c'est irrévocable. D'accord? Donc c'est en gros ce qui concerne le global, le mujmal ou ouais, le mubayyan. D'accord? Et ça c'est concerne les portées, c'est en ce qui concerne les portées des textes. Vous avez constaté avec moi que le mujmal, le mubayyan, le muhkam, ça c'est c'est un sujet qui est traité par qui? Il est traité par les usuli. Ça parle des principes du droit. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans la série sur les aperçus sur les usul fiqh, c'est le Doros. J'ai parlé du mutashabih et du muhkam. J'ai parlé du mafhoum, le mukhalafa, le sens implicite par différence et le sens explicite. J'ai parlé un peu de ça. Mais l'exégète est en quelque sorte, il est en quelque sorte un usul et un alim de usul. Donc, il faut avoir des connaissances dans le domaine des usul fiqh, des principes de droit qui traitent de ce sujet-là, à savoir le global et le mubayyan, le détaillé, l'abrogation, hein, il traite aussi de l'abrogation, il traite aussi bon, le mutashabih et le muhkam du général du général et de ce qui est particulier, ce qui restreint la portée d'un texte général. Il traite de ce thème-là. Et le mufassir, il doit être en quelque sorte un usuli. Il doit connaître ces choses-là, ces principes-là de droit. D'accord? Bien que le usul fiqh est plus large. D'accord? C'est pour cela que mon Siyouti, il a passé, il les a pas, il s'est pas attardé là-dessus. Bon, il les a considérés comme des ulum, le Coran, mais il ne s'est pas approfondi. D'ailleurs, tout l'itqan n'est qu'un mukhtasar, n'est qu'un abrégé des sciences du Coran, et tout l'itqan avec ses quatre volumes n'est qu'une introduction d'un projet que Suyuti n'a pas pu terminer. C'est l'introduction d'un grand livre d'exégèse. S'appelle Majma' al-Bahrain. Il ne l'a pas. Il est mort avant de le terminer. Hein? Donc le mufassir est un usuli en quelque sorte avec une différence. La différence entre les principes du droit et ces sciences-là de ulum al-Qur'an, c'est que le usul fiqh c'est plus large parce qu'il ne s'arrête pas au mutashabih et au muhkam, au global et au détaillé, au général et au particulier, au mafhoum et au mantouq, mais il va plus loin, il parle des textes. Il traite des textes du Coran et des textes de la Sunna. Il parle des choses qui concernent le mujtahid, le mufti et celui qui pose la question au mufti. Il parle des empêchements les conditions et les empêchements de la de pardon de l'assujettissement. Hein? L'assujetti qui dort, est-ce qu'il est assujetti aux lois, la personne qui dort, la personne qui oublie, il traite de ce thème-là. Et il parle aussi des ahkam, bien sûr, de ce qu'on appelle l'ahkam taklifiya, hein, les devoirs d'assujettissement, hein, le wajib, l'obligatoire, le recommandé, le mandoub, le makroh, le haram, etc., l'interdit, etc. Et aussi des ahkam wada'iyya, de ce qui a été posé au préalable, à savoir ce qu'on appelle la validité et l'invalidité, ce qu'on appelle la validité et l'invalidité d'un acte ou la validité ou l'invalidité d'un contrat, etc. D'accord? L'empêchement aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle les règles, c'est des règles qui ont été comme les panneaux dans le code de la route, hein? Et ils ont été émis par le législateur. D'accord? Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Je termine, enfin, voilà, brièvement, l'état du texte en ce qui concerne, dans le contexte d'argumentation et de diction du hukm. Je m'arrête ici parce que, bon, la prochaine fois, on va traiter la balagha, la rhétorique, hein? Ça se corse un peu. On va traiter la rhétorique, enfin le majaz et le haqiqa, le sens propre, le sens figuré. Et nous allons traiter ça, nous allons l'istiara, ce qu'on appelle l'istiara, et d'autres tamanni, l'espoir, et d'autres styles, figures de style. Voilà. À la prochaine, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.